c'était la gorge au loup, nichée au creux de la colline, au milieu des prés et des vignes. C'est lui qui vient pour les vacances, apprendre un peu d'une autre France, au caillou des chemins. On jouait au corsaire, à Robin. Je l'aimais déjà. C'est dans la grange au loup qu'on se cachait par tant d'orage. J'ai lui inventé des voyages si fous. Un jour j'ai mon souvenir, nos corps ont déserté l'enfance et mis à mort notre innocence. Mais Dieu connaît tes biens, ses reins, sa gorge ronde s'est veillée pour moi. J'avais le nouveau monde au creux de mes bras. C'était la grange au loup, nichée au creux de la colline. Je me raconte l'histoire, c'était la grande joie.